ce monde insensé qui pollue l'atmosphère. Les fumées des usines envahissent le ciel. Tous ces produits nocifs qui attaquent nos rivières, les lacs, les océans qui deviennent des poubelles. C'est la course à l'argent, le travail à la chaîne. À quoi sert d'inventer des bolides puissants qui affolent les compteurs, qui défient les radars. Où s'en va notre monde dans sa marche en avant? Où s'en va notre monde? Où s'en va la planète? Les hommes sont inconscients, ils ne respectent rien. Où s'en va notre monde? On marche sur la tête. Où s'en va notre monde? C'est le mauvais chemin. Mais dites-moi pourquoi se réchauffe le climat? Et Madame Météo qui annonce des tempêtes. Et tous les écolos qui déclarent à tout va. Où s'en va notre monde, protégeons la planète. Les manchots, les pingouins cherchent en vain la banquise. Les dauphins, les poissons qui s'échouent sur le sable. Ils sont empoisonnés par les sachets plastiques. Et les tonnes de déchets qui dérivent vers nos plages. Où s'en va notre monde? Où s'en va la planète? Les hommes sont inconscients, ils ne respectent rien. Où s'en va notre monde? On marche sur la tête. Où s'en va notre monde? C'est le mauvais chemin. La guerre et la misère, on n'en voit pas la fin. Est-ce qu'un jour sur la terre les gens seront heureux? Est-ce qu'un jour les humains mangeront à leur faim? Où s'en va notre monde? Ça fait pas très sérieux. Où s'en va notre monde? Où s'en va la planète? Les hommes sont inconscients, ils ne respectent rien. Où s'en va notre monde? On marche sur la tête. Où s'en va notre monde? C'est le mauvais chemin. Chemin.